John le Loyal. Il était une fois, dans le royaume insulaire de Delolia, vivait un jeune roi charismatique qui s'appelait Théodore. Théodore adorait son peuple et faisait toujours de son mieux pour rendre heureux les gens de son royaume. Delolia était un ensemble d'îles avec une économie riche de marchands qui faisaient du commerce avec le royaume et leurs voisins. Le roi se déplaçait souvent dans son royaume avec John, son serviteur le plus fidèle. Théodore se déguisait en marchand et se disait être un vieil ami de John qui s'appelait Ted, et ensemble, ils voyageaient dans le royaume. C'était comme ça que Théodore connaissait toujours les meilleurs moyens de rendre son peuple heureux. Hé, hey, salut Marty. Hé, hey, salut Ted. John t'adore. Il l'a trouvé. Merci Marty. On a enfin capturé la bête qui causait tant de problèmes dans le royaume. Mais je dois dire qu'elle est un peu bruyante. Ah, d'accord. Mais c'est quoi cette chose? Je crois bien que cette chose est un furet. Hé! Hey, qui appelez-vous une chose? Sortez-moi de cette cage et je vais vous montrer un peu quel genre de chose je suis. Il parle? Eh oui, il est trop intelligent, lui. Hein? Je m'appelle Freddy. J'ai été transformé en cette boule de poil par Alistair, un méchant sorcier. Et quand vous m'avez attrapé ici, j'essayais juste de trouver un peu de nourriture. Maintenant, sortez-moi d'ici pour que je puisse aller retrouver ce vieux sorcier et le forcer à me retransformer. Mais pourquoi t'a-t-il transformé en petit furet? Avant, je travaillais pour le roi Zarius en tant qu'orfèvre. Le roi Zarius? Oui. Cet homme a utilisé Alistair en lui faisant jeter un sort sur tous les orfèvres afin de récupérer tout l'or disponible sous différentes formes. Cela a rendu tout le monde pauvre et malheureux. Le sort m'a aussi atteint, mais j'essayais de m'enfuir. Mais avant que je n'aie pu partir, Alistair m'a trouvé et m'a transformé en ça! Alors ça, c'est pas bien. Effectivement! Donc, je vais aller le trouver et le lui faire payer. Je pourrais peut-être t'aider. Toi? Toi et quelle armée? S'il y a une seule personne qui peut m'aider, c'est le roi. J'ai entendu dire que c'était un homme bon. Je suis... Monsieur, je pense que vous devriez y réfléchir d'abord. Vous savez bien que Zarius est un ennemi de très longue date. Vous voulez vraiment vous engager là-dedans et chercher la bagarre? Oh, ne t'inquiète pas, John. Il ne le saura même pas. Hé, hey, qu'est-ce que vous pouvez bien manigancer tous les deux, là? Oh, rien du tout. Je m'appelle Ted et voici John. On va t'aider. Allons-y. Ted et John ramenèrent Freddy au château dans les appartements du roi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et si le roi nous trouve, où allez-vous? Oh, ne t'inquiète pas, Freddy. Hein? Salut, Freddy. Bonjour, Votre Majesté. Mes excuses d'être rentré chez vous, monsieur. Freddy, c'est moi, Ted. Aussi connu sous le nom de Roi Théodore de Delolia. Oh, mon roi! Je suis vraiment désolé de vous avoir parlé comme ça tout à l'heure. Ne t'en fais pas. John va t'accompagner à ta chambre pour te reposer un peu. Demain, au lever du jour, nous partirons. Houhou! C'est parfait! Par ici! J'espère que le roi Théodore sait ce qu'il fait. Je me demande comment il pourra passer les grilles. Eh bien, moi, je sais comment. Le roi Zarius est obsédé par l'or. On peut se déguiser en orfèvre et attirer la princesse au navire. Puis, on demandera au roi de me libérer en échange de la princesse. Freddy expliqua tout son plan à John, qui fut très impressionné. Le lendemain matin, ils allèrent au bateau et détaillèrent leur plan au roi Théodore, puis ils se mirent en route pour le royaume de l'or. On navigue, navigue, navigue dans la mer vive. On va prendre la princesse à bord en attendant qu'il nous retransforme. Allez, rentrons. Je commence à avoir faim. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une peinture de la princesse, monsieur. Princesse Sophia. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Maintenant, je vais vouloir la ramener dans mon royaume et passer du temps avec elle. J'aimerais faire d'elle ma reine. Terre, terre! J'aperçois le royaume de l'or. Ah, magnifique! Le trio se dirigea vers le château pour entrer à la cour royale. J'ai bien peur de ne pouvoir vous laisser entrer. Monsieur, nous venons apporter des cadeaux pour le roi et la princesse. Oh, un instant. Je vais informer le roi immédiatement. Où est passé Freddy? Pendant ce temps, tandis que John et Ted attendaient de rencontrer le roi et la princesse, Freddy courut à la chambre du magicien pour trouver le moyen de se transformer. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il a mis sa baguette magique? Tiens, tiens, tiens. Regardez un peu qui va là. Hein? Vite! Pas si vite. Prends ça! Je t'attrape enfin! Oh non! Encore dans une cage! Le roi Zarius et la princesse Sophia vont vous recevoir maintenant. Eh bien, il était temps. Viens, John. Bonjour, votre majesté. Votre Altesse, voici les orfèvres dont je viens de vous parler. Oh, bienvenue. Un orfèvre est toujours le bienvenu dans mon royaume. Et ceci est pour la princesse. Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Un ange pour un ange. Et on a encore beaucoup de choses de ce genre sur notre bateau, mademoiselle. Si vous voulez en choisir d'autres, venez avec moi. Je peux y aller, papa? S'il te plaît! Hors de question. Je ne te laisserai pas monter sur le bateau d'un étranger, non. Oh, s'il te plaît, papa. Et ça te permettrait d'avoir encore un peu plus d'or, s'il te plaît. S'il te plaît! D'accord, d'accord. Mais pas toute seule. Toi, là-bas. Va avec la princesse et monte avec elle sur le bateau. Oui, votre Altesse. Psst. Votre Majesté, avez-vous vu Freddy? Je ne le vois plus. Oh, ne t'inquiète pas, John. Il a dû retourner au bateau. Tandis que Ted et John accompagnaient la princesse au bateau, le roi fit appeler un de ses ministres et lui demanda de se renseigner sur l'identité de ses visiteurs et d'où ils venaient. Qui est cet homme? Et pourquoi me rappelle-t-il quelqu'un? Trouvez la réponse rapidement. Oui, votre majesté. Pendant ce temps, la princesse était excitée de voir tous ces objets en or sur le bateau. Oh, waouh! Tout est trop beau! Je veux ça, ça, ça et ça aussi. Alors, va me préparer tout ça. On ne va pas tarder à décharger tout cela et rentrer au palais. À vos ordres, votre majesté. Le plan fonctionne bien, monsieur. Oui, mais on devrait se presser. Il faut y aller maintenant. Oui, mais... Et Freddy? On n'a plus le temps. Allons-y. C'est tellement mieux que le marché de l'or. Il y a tellement de petites choses trop mignonnes ici. Je me demande où est passé le garde. Quoi? Non! À l'aide! Ted alla auprès de la princesse pour lui expliquer la situation dans sa totalité. Il lui révéla sa véritable identité et parla de Freddy et du mauvais sort qu'on lui avait jeté, à lui comme à tout le reste du royaume. Oh, princesse, et je suis tombé amoureux de vous à la minute où je vous ai vu. Est-ce que vous voudriez bien m'aider à sauver mon ami et devenir aussi ma reine? Le cœur de la princesse Sophia s'attendrit. Alors elle accepta d'aider le roi Théodore. Je ne savais rien à propos du sort. C'est horrible! Je vais envoyer un message moi-même quand on sera arrivé. Quand le garde royal vit le bateau prendre la mer, il alla en informer le roi. Le roi fut furieux. Quoi? Je veux savoir qui était cet homme maintenant. On dirait que ce navire appartenait au roi Théodore de Délolia. Le roi Théodore, où est le magicien? Je veux le voir tout de suite. Le roi se rendit dans les appartements du magicien et lui raconta ce qu'il venait de se passer. Il lui ordonna de jeter un sort sur le navire pour qu'il ramène la princesse. Votre Majesté, je dispose de deux sorts extraordinaires qui vont détruire le roi. Je t'écoute. D'abord, quand le roi descendra du bateau, une monture l'attendra à terre. Dès qu'il montera sur le cheval, celui-ci galopera vite et ira très loin, et ne reviendra jamais. Son seul moyen de s'en sortir serait si quelqu'un d'autre effraie le cheval sans en avertir le roi. Et si quelqu'un l'avertissait, alors il se ficherait pour toujours. Génial! Et si ça ne marche pas, alors le deuxième sort marchera forcément. Et qu'est-ce que c'est? Vous lui offrirez ce manteau d'or en guise de cadeau pour faire la paix. Et quand il le portera, lui et tout son royaume se transformeront instantanément en pierre. Si quelqu'un lui parle de ce sort, il se transformera aussi en pierre en un instant. Bien joué, Alistair. Viens, allons tout de suite sur les quais. Oh non, il faut que je trouve un moyen de les prévenir. Ah, sa baguette! Je dois l'atteindre. Voilà. Alors, comment ça marche ce truc? Sésame, ouvre-toi. Ah ah, ça a marché. Abracadabra. Ah ah, c'est parfait. Maintenant, je dois aller avertir John. Freddy agita la baguette et dans un nuage de fumée, il s'évapora dans les airs. Pendant ce temps, le navire avait accosté à Délolia. Le roi demanda à un messager d'envoyer un mot au roi Zarius. J'espère vraiment que ça va pour Freddy là-bas. Hé, hey, salut Johnny. Qui es-tu? C'est moi, Freddy. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Le roi a parlé au diabolique Alistair. Freddy raconta à John tout ce qu'il avait entendu, y compris tout ce qui était prévu avec les sorts. Il dit aussi que si quelqu'un en parlait au roi, il se transformerait en pierre. Et au même moment, alors que Freddy venait de tout raconter à John, un beau cheval s'approcha du roi. Ah voilà, ce beau cheval sera parfait pour nous ramener au palais. Alors qu'il s'apprêtait à monter à cheval, John sonna le gong qui passait à côté de lui. Cela effraya le cheval et le fit s'enfuir en galopant. Comme c'est mal! Comment John a-t-il pu faire ça au roi? Oh, ce n'est rien. John est mon serviteur le plus loyal. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. Il a toujours à l'esprit le bien-être de son roi. Oh! C'était moi une. Le roi et la princesse allèrent au palais. Un messager alla voir John pour le prévenir de l'arrivée du roi Zarius. Il est là? Déjà? Oui, monsieur. Il dit qu'il vient en paix pour apporter des cadeaux au roi et à sa future femme. C'est vraiment bizarre. Bonjour, roi Théodore. Ravi d'être là. Bonjour, Altesse. Je vous apporte un cadeau. Veuillez accepter ce manteau d'or. C'est une tradition de longue date dans ma famille. Le futur marié doit porter ce manteau d'or en gage de force et de pouvoir qui passe de génération en génération. Waouh! C'est incroyable! Je suis très honoré. Allez-y, vous pouvez l'essayer tout de suite. Alors que le roi Théodore s'apprêtait à enfiler le manteau d'or, John s'interposa et arracha le manteau de ses mains, le jeta par terre, causant l'échappée d'une grosse étincelle et d'un nuage de fumée. Mais que fais-tu là? Comment oses-tu te moquer de notre tradition familiale? C'est une vraie disgrâce. Allez-vous lui permettre de manquer de respect à notre héritage familial? Il a raison, John. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te punir de la pire manière qui soit. Je te bannis du royaume de Delolia pour toujours. Non, tout était ma faute. Si quelqu'un doit partir, c'est moi, mon bon roi. Je crois que je devrais vous raconter ce qu'il s'est vraiment passé. Non, non, je ne te laisserai pas te faire punir à ma place. Et tu viens juste de récupérer ta vie. Avant de partir, mon bon roi, puis-je dire un dernier mot? Oui, je t'écoute. Tout ce que je viens de faire, c'était pour vous sauver des sorts qui ont été jetés sur vous par le roi Zarius. La monture que j'ai chassée grâce au gong était supposée vous emmener très loin d'ici si vous montiez dessus et ne jamais vous ramener. Et le manteau en or, ce n'est pas du tout un héritage de famille. Ce manteau, si vous l'aviez porté, vous aurait transformé vous et le royaume en pierre. J'ai fait tout ça pour vous, mon noble. Roi. Oh non, John, mon plus fidèle serviteur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Papa, comment as-tu pu, papa? Mais où est-il passé? On dirait qu'il est parti. Oh, pauvre John, maintenant on devrait... Oh, attendez, j'ai la baguette magique d'Alistair. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Abracadabra, une vie sacrifiée qui revient tout à coup. Et en un rien de temps, John le Loyal rouvrit ses yeux et se sentit bien à nouveau. Oh, merci, mon ami. C'était la moindre des choses que je pouvais faire pour des amis comme vous qui en ont fait tant pour moi. Et pour moi aussi. Tu es la personne la plus loyale que je connaisse. À partir de maintenant, tu ne seras plus mon serviteur, mais mon ami. À une condition, alors. Seulement si vous pouvez refaire de Freddy un furet. Et ça, c'est être un ami.